Les sciences, Élysée Radio, finance à gogo, c'est beaucoup trop de politique, de mode de fric, d'armée de bobos, de sadomaso, c'est beaucoup trop de déprimés, bien trop exposés et trop abusés, toujours en danger, c'est beaucoup, je veux voir. Ma belle campagne, écharpe sur haut, je vois. Ma jolie montagne, mes vallées que je vois. Mon ciel, mes nuages, ma pluie, mes gouttes d'eau, je veux ce qui est normal. Et non pas tes journaux, je veux ce qui est vital. Et non pas tes robots, je veux vivre, pas mourir pour ton crâne, ou devenir un héros. T'empêtes le monde dans l'étoile, tu files crac coupé en pâle, ta folie pèse tout en balle, ton amour fait toujours mal. Grand esprit, après chez